reste fiers depuis le départ. Depuis le départ on reste fiers, on campe sur nos positions. Tout nous rassemble et on vit en opposition. On veut être en pole position aux yeux de sa chérie. Au lieu de sa fille, on vise à être chérie. On veut rester longtemps sur terre, en même temps partir loin. Le paradis pas l'enfer, c'est pour ça qu'on bloque des saints. Je te fais pas de dessin, la caricature tue. Si rien ne va plus, c'est qu'on ne s'amuse plus. Tout nous sépare, mais tout nous rassemble aussi. À courir après le genre, travailler pour un SMIC. On a tous connu la galère, perdu des êtres chers. Côtoyer la merde, en avoir la haine. On est tous pareils, on a le même but. Trouver un taf, vivre heureux, pas voir notre chute. Être complet de bonheur jusqu'à nos derniers jours. Pas vivre dans la peur, car le temps nous tue. Comment te dire que tout nous sépare? Aux yeux des gens c'est la même histoire. En attendant que la vie nous épargne, on reste fiers depuis le départ. Comment te dire que tout nous sépare? Aux yeux des gens c'est la même histoire. En attendant que la vie nous épargne, on reste fiers depuis le départ. Les opposés s'attirent. Plus ou moins on peut dire que depuis tout petit j'ai de grandes envies, de grandes motivations. Freiné par le vécu, je garde espoir, mon histoire c'est de rimes que je l'ai vêtu. Le bien, le mal, comment les dissocier? Quand la liberté peut tenir qu'à une clé. On attend notre heure, patiemment on mène nos vies. Le battement de nos cœurs c'est notre plus belle mélodie. Tout nous rassemble, le taf, l'argent. On court tous au final pour les mêmes choses. Pas finir clochard et faire la manche. Dormir sur un banc pour subir les moqueries des gens. Mais à la fin d'histoire, on finira tous ensemble. On fera verser des larmes, enfermés dans une tombe. Mais pour l'instant, je profite de ma life. La vie est ainsi faite et quand on tombe, on se relève. Comment te dire que tout nous sépare? Aux yeux des gens, c'est la même histoire. En attendant que la vie nous épargne, on reste fiers depuis le départ. Comment te dire que tout nous sépare? Aux yeux des gens, c'est la même histoire. En attendant que la vie nous épargne, on reste fiers depuis le départ. Comment te dire que tout nous sépare? Aux yeux des gens, c'est la même histoire. En attendant que la vie nous épargne, on reste fiers depuis le départ. Comment te dire que tout nous sépare? Aux yeux des gens, c'est la même histoire. En attendant que la vie nous épargne, on reste fiers depuis le départ.